fait, la distance nous installer. Qu'il t'y a nous pas t'apporter, si vous voulez ou si mes graines, attention soleil caché. On équipe entraîne nous déposer l'ombre si vit en nous, qui fait si qu'elle nous fanait. On l'a dit qu'à menacer, mais c'est mal j'avais fait mais. On nous chavirait la terre et tirait toute mauvaise herbe. Quand nous choisissons pied bois pour nous décorer qu'on voit et ça qu'est nous la foi. Nous qu'était voler en ciel, communiquer l'arc-en-ciel pour nous péter fidèles. Il est parti en bon moment et je dis pas qu'on avance.